to bude na mí. Si tu veux jusqu'à la fin de nos vies, aimons-nous comme dans les rêves. Reste dans mes bras, ne me laisse pas seul. J'ai besoin de tes yeux, du son de ta voix, comme tu as besoin de moi. Cette nuit, j'ai entendu des orgues qui chantaient, mais tu robe blanche, tu me souriais. À la fin de mon rêve, une étrange voix nous dit: devant Dieu et les hommes, soyez jusqu'à la fin de nos vies, aimons-nous.